Donc, vous êtes toujours sur Fun Radio, c'est le deuxième débat. Donc, il est 2h21, et donc, pour le deuxième débat, donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0803-08-5000, Pilar est au standard, donc, il va vous accueillir. Bonjour. Bonjour à toi, Brouty. Rigo, le super chef. Le rigolo! Le super chef de l'Internet qui fait du bon boulot toutes les semaines, donc, qui vous attend. Ouais, c'est moi. Au www.frfunradio. Donc, on est combien là maintenant, Rigo? Qui l'eût cru? On peut l'appeler par téléphone avec, non? En faisant ça. Tout à l'heure, Pildar, tu vas te prendre une baffe, ce coup-là. Ouais, ce coup-là, ça, je vais pas te rater, toi. Eh ben, enfin, donc, on est combien? On est 4282. Ah bah c'est bien. Ce qui est beaucoup. Et, donc je voudrais qu'on aille jusqu'à 5000. Et puis ben, Manu qui est à l'arrière. La grosse. Bonsoir à tous. La grosse, ça t'emmerde toi, la grosse espèce de... C'est pas bien de parler de la femme de Gérard comme ça. Donc on va accueillir Mégo de 19 ans de Brest. Salut Gérard, ça va? Je sais pas, j'ai pas regardé ce matin. Allez, ouais. Ouais. Bravo. Pierre, 24 ans de Bourbon. Ouais, annoncez-moi les fréquences. Mégo. Ouais. Brest. 84.16. 84.16. Ouais, voilà. Ouais, mon cul, tiens. Ah, ok, excuse-moi, 84.6, excuse-moi. Ouais, bah, je préfère. Ouais. Pierre. Salut. La fréquence. 82. Ouais, tu connais pas ta fréquence, alors on va te faire sauter. Miss Essonne, 19 ans de Saint-Etienne. Ouais, on a une Miss France, j'ai oublié de le préciser. Miss Essonne qui était première dauphine en 1980. Oh là là, le 9-1, le 9 régional. La même suite de gaz, quoi. Miss Essonne, 19 ans de Saint-Etienne. Votre tableau, tu réponds. Salut le Brésilien. Tu vas chanter à l'Eurovision bientôt. Ouais. Oh là là là là là là là là là là. Elle est enrouée. Ça commence, ça commence, ça commence, ça commence. Elle est enrouée. Et c'est une fille encore. C'est une nana, c'est un trablo, ça. Qui c'est qui m'a choisi ça? Fildar! Fildar! Fildar! Fildar! Mon pote Fildar! Mon pote Fildar! Un Fildar! Donc, Mikos, 20 ans de Lyon. Oui, je suis là. Je suis là, GG. Cudan. Oui, c'est moi, ça va, GG. 24 ans de Nogent-sur-Marne, ouais, on écoute. 101.16. Non, c'est ça, 101.9, d'accord? Fous-toi ouais, pas de ma gueule. Ah, mais je te connais, copier du moi. Eh, Foufoune de Nantes. Salut! Salut à toi. Non, c'est Lady de Nantes. Pildar, fais gaffe parce que tout à l'heure ça. C'est Lady. Lady de Nantes. Pas le tunnel, Manu. Ah non. Pas l'Alma. Pas le tunnel anal. Gérard, assieds-toi, t'as pas Pildar dès le début. Ouais, d'accord. Sinon, tu retournes en arrière. Pas le tunnel anal, on a dit. Bon, ta gueule à toi. C'est Monsieur Bouygues. Bon, continuez à me casser les burnes au deuxième débat, on va éclaircir vite le débat, hein. Ouais. Ça commence bien. Allez, on va creuser, vas-y. Alors, que préférez-vous dans Miss France? On va demander ça à Mégo. Moi, j'aime bien ses robes. Ouais. Ouais, je trouve que c'est des bons couturiers. Mm-hmm. Et elles sont vachement cultivées, je trouve. Non, mais tu peux donner plus de précision? Bah, je trouve que, je sais pas, moi, ouais, elles sont cultivées, quoi. Tu peux leur poser n'importe quelle question, genre... Attends, elle a fait hier, tu vois, à chaque fois, elle te répond bien. Hein. Ouais. Tranquille, hein. Ouais, tranquille. Tout à l'heure, tu vas faire tranquille au standard, toi. Ok. Tranquille. Pierre. Ouais, moi, j'aime bien les Hawaïennes. Donc, j'aime bien son boule, en fait. Et c'est ouais, ça. Tony. Ok, Tony. Allez, Tony, terminé pour toi. Non, mais Gérard, là, il a rien non, dit, mais, quoi. Non, mais attends. Hey, faut pas déconner. Hier, il est passé, il passe pas dans les débats aujourd'hui. C'est clair, net, très précis. J'ai dit, j'en veux pas. Ok, et toi, tu vas me faire du boulot correct, ce coup-là. Ouais, mais si Tony, il peut plus passer jamais, ouais. S'il passe plus jamais, qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie? Et alors? Qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie? Ouais, maintenant, il faut le passer. Il passe dans la semaine et c'est tout. Mais il a rien, quoi. On peut pas. Ou alors, on essaie de voir, parce que c'est vrai que dans la vie, bon, tu vois... Non, faut arrêter, là, de le passer. Faut qu'on teste. Bah, la première incartade. Parce que de toute manière, il n'est pas de Bourbon. Il va en prison. Mais non, parce que si. Bourbon. Si, il est en vacances. Non, attends. Je suis en vacances. Hein. Bah ouais, t'as mon cul. Hier, t'étais à Paris, et puis là, ce soir, t'es à Bourbon. Bah attends, ça t'arrive jamais, toi. Moi, le soir, je suis à Paris, le soir, je suis à Lyon. Quand je vais faire une soirée, je mets pas 10 jours pour y aller, hein. Enfin. Il y va, hein. Il a un scooter, c'est tout. Alors, Tony, vas-y. Non, mais j'aime bien la Hawaïenne, là, en fait. Je l'ai trouvée très séduisante. Ah, ouais. C'est Tony? Ouais. Non, ouais, c'est le Tony, c'est celui qui est passé hier dans... Mais je sais. Avec toi. Non, mais il est bien. Il fait un score de il a le cul propre, en plus, ouais, il a une belle boîte à caca, ouais, j'aime bien la Hawaïenne, en fait. Bon, non, mais je te demande, que préférez-vous que... d'Hormis France? Ouais, mais il paraît que c'est, enfin, il paraît que c'était truqué. Je sais pas si t'as entendu ça. Non, mais attends, pour un cent, Tony, tu dis pas de conneries parce que non, c'est pas les questions, d'accord? Alors, ou tu réponds correctement ou tu dégages. Non, je vois que t'es un peu trop sur moi, là, mais moi, je te dis, moi, j'aime bien Miss France, ouais. Bon, ok. Décale-toi un peu, Gérard, t'es trop sur lui. Trop sur moi. Non, recule que je m'inspire. Rigo. Gérard, il y a Madame de Fontenay sur l'IRC, la vraie. La vieille, là? Ouais, qui voulait te prévenir que, si tu dis que les élections de Miss France sont truquées, elle t'attaque en justice. Après ce qu'elle veut, moi je l'emmerde. Oh, oh là là, procès. Miss Essonne. Elle va te mettre un procès au cul. On l'emmerde, elle est bien courante. Miss Essonne. Oui, j'écoute. Alors, quand est-ce que tu t'es fait opérer, toi? Bon, allez, hop. Raconte-nous tout. Allez, hop. Terminé, allez, moi. Miss Essonne. Non, mais moi, allez, hop. Bon, Miss Essonne. Bonne nuit. Allez, hop. J'ai pas sommeil. Non, mais bonne nuit pour Miss Essonne, hop. C'est fini pour elle, j'aime pas, quand je pose des questions, j'aime pas qu'elle réponde à moi, Je peux la garder, quand même? Non, mais tu l'as. Pour moi, pour moi. Non, mais tu la kiffes? T'as qu'à la sauter si tu veux, moi j'en ai rien à foutre. Mycose. Ouais, bah écoute, ce que je préfère chez les Miss, c'est quand même leur cul, hein, on va pas dire le contraire. Ouais. Sais, faut être franc, leur cul et leur nibar. Ouais. Par contre, c'est vrai qu'il y a un peu de la triche, elles sont dopées à mort, c'est clair. Attendez, 5 minutes. Je te laisse, je te souhaite une bonne nuit et je te rappellerai peut-être la semaine prochaine. Ouais. Salut. Tu vas pas la rappeler, d'accord? Et change pas sur, et tu... passe pas sur un autre nom. Tu joues à quoi, Fildar? Non, c'est parce que tout à l'heure, tu vois, tu vas laisser ta place à Manu. Ah non. Dégagez là-haut. Oh non, il fait du bon boulot, Standard Fildar. Ah ouais, il fait du bon boulot, tiens. Non, c'est le meilleur. Ouais. Et si on perd du monde à cause sur l'IRC à cause de lui, faudra pas se plaindre. Pas de soucis, on en gagne. Merci. Mycose. Oui, donc je te disais, elles sont quand même dopées au maximum. Je sais pas si t'as vu les formes qu'elles ont. Je veux dire, s'il n'y a pas de l'hormone bovine là-dedans, je sais plus, je m'y connais plus, quoi, tu vois. Madame de Fontenay, elle refile quand même pas mal de saloperies à ses mises. Le PO? Ouais, je crois, entre autres choses. Arrête, Gérard! Bon, Gérard, c'est avec viens t'asseoir, écoute les auditeurs au moins. On fait le travail à ta place. Kudan. Ouais, bah alors moi, les nanas de Miss France, tout ça, je sais pas, je leur trouve rien de spécial, des fois, je sais pas, dans la rue, on a des mieux, quoi. Ouais, c'est ça que je comprends pas, ça t'intéresse pas les femmes, toi. Mmh. Ouais, c'est clair. Foufoune. J'aime pas trop ce que tu viens de dire. Bon, ça y est, on se calme derrière, s'il vous plaît, merci. Foufoune. Moi, j'aime bien leurs dents et Jean-Pierre Foucault. Je trouve qu'elles ont des super belles dents. Non, mais attends, hé, Fildar, attends 5 minutes. Fildar, tu veux, si tu veux... T'as qu'à allumer ton micro, et puis gueuler dans le micro, dire « Allô, Fun Radio ?» Vas-y, je travaille. Attends, c'est pourquoi? Et t'as besoin de gueuler comme ça? Bah, il... Bon, allez. Bon, alors, Foufoune. Ouais, moi, je te disais, j'aime bien leurs dents et Jean-Pierre Foucault. C'est ça, bah, t'as qu'à l'appeler, puis tu lui demanderas ce que c'est. Non, mais moi, je trouve vachement séduisant. Non, mais attends, t'as qu'à lui demander. T'as qu'à lui demander ce qui s'est passé pour élire Miss Tahiti. Mmh. Ok. Ouais, il est aussi contre la gaffe. Non, attends, Rigo. Oui, il y a Miss Davy One sur l'IRC qui te demande si Sandy a gagné le concours Gros Plein de Soupe. Miss Gros Plein de Soupe. Alors, c'est qui? C'est Miss Davy One. Alors, Miss Davy One, Sandy a ton merde. Ok pour toi. Voilà. En de bonne ordre, Tony, tu. Non, c'est pas moi. Gérard, il dit qu'il t'emmerde lui aussi. Eh ben c'est bien là, dans ce cas-là, il peut laisser des messages, c'est même plus la peine de me les annoncer pour lui. Ah, je vais aller me connecter là. Sandy, c'est dommage pour son corps, parce qu'elle a une belle tête. Tony, Sandy, à ton merde. Non, mais c'est vrai qu'elle est un compliment. Sandy, à ton merde. Mais il dit qu'elle est belle. Sandy, ton merde. Bon, alors Tony, tu te calmes. Sinon, on accueille à la place de Miss Essonne, Georges, 43 ans, de Saint-Louis, qui en fait est le père de Miss Berry. C'est celle qui a perdu. Je l'ai au standard sur les 24 lignes. Bonsoir. Elle est sur IRC, Miss Berry. Ah. Ouais, oui, bonsoir. Bon, bonsoir, Georges. Oui, bonsoir, monsieur Gérard. Oui, Georges, ta fille, c'est un boudin. Hein. Ça y est, derrière, oui. C'est normal qu'elle ait perdu, c'est un plomb. Ah, bah, j'ai plus de points aussi. Bon, tu me calmes un peu, ça, là, parce que ça va. Mais tu calmes qui? C'est un peu un plomb, pour dire. Voilà. Pars bien. Allez. Mais quoi, j'ai rien fait. Bravo le boulot que tu es en train de me faire. Bravo. Tu nous fais de la merde là. Attends, tu ferais mieux de rester à l'aria, ça vaudra mieux. Non, c'est bien là. Alors seriez-vous d'accord pour inscrire votre copine au concours de Miss France? On va demander ça à Mégo. Ouais, mais en fait, ma copine, elle a déjà concouru pour l'élection l'année dernière, mais le problème, c'est qu'elle a perdu, quoi. Donc, depuis, elle est un peu traumatisée, quoi. Et donc, voilà. Mais Gérard, il vous écoute pas, il est en train de taper sur Dard. Putain, c'est fou. Ah non, c'est pas possible, ça. Ça, c'est pas possible, Gérard. Ça, bon, c'est... Maman, dans ce cas-là, moi... Dans 14 minutes, Gérard, j'arrête. Gérard, s'il te dans plaît. 14 minutes, j'arrête. On repose la question, s'il 14 te plaît. Minutes, j'arrête. Gérard. Il fait que de la merde. Il est en train de se... Il fait que des conneries, donc moi, dans 14 minutes, j'arrête. Je sais même pas les 11 questions. Non, moi, j'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Mais attends, il est en train de faire que des conneries. Tu fais que des conneries. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ça s'est bien passé dans le premier débat. Ouais, pour l'instant, il est en train de me faire que des conneries. Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il a fait? J'écoute, moi, j'ai pas compris. Tu demandes quelque chose. Donne des raisons. Donne une raison. J'écoute, ouais, moi. Qu'est-ce qui se passait à l'antenne qui te plaisait pas? Moi, je lui demande de calmer les gens, il les calme pas. Si? Non, il les a pas calmés. Ils sont en train de se foutre. Tout le monde se fout de la gueule des gens. Hein? Et lui, il fait rien. Il est même pas capable de faire un boulot correctement. Si le premier débat, à l'aria. Alors, autant mettre Manu au standard, ça vaudra mieux. Gérard ? Ouais ? C'est pas possible, hein. Sur IRC, il y a Mister Yankee qui dit qu'avec une perruque et sans ta moustache, tu ferais bien Miss Bois de Boulogne. Ça, je m'en fous. Mégo ? J'ai bien répondu, moi. Tu m'écoutais pas aussi, là ? Bah non, mais vas-y, dis. Non, mais je disais... Ouais, c'est quoi la question ? Je me souviens plus, hein. Alors, seriez-vous d'accord pour inscrire votre copine au concours de Miss France? Non, je serais pas d'accord. Et arrête de renifler. Oh, excuse-moi, là. T'es aigri ce soir. Ouais, non, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour faire subir ça à mes copines. D'abord, c'est des amis, je leur ferai jamais ça. D'accord. Voilà. Tony? Ouais, non, moi, je la garde pour moi. Bah, tu peux préciser? Elle est trop chum. Comment? Elle est trop chum. Moche. Elle est laide. Tu peux préciser le fond de ta pensée? Affreuse. Vilaine. Il y a des concours pour ça, hein? Berk. Bon, ok. Georges. Gérard, attends. Sur IRC, il y a Miss Olio qui te demande si les Miss France t'excitent. Non, pas du tout. Pas du tout. Georges. Moi, ma femme a 56 ans, donc pour... Pourquoi? Il te demande pourquoi elle t'excite pas. Parce que ça m'intéresse pas. Trop belle. Bon, Tony, ça suffit. D'accord. Maintenant, tu laisses parler les gens. La Miss Béric qui dit que t'es un menteur. Bah, je m'en fous. Georges. Non, pour une Miss France, il faut avoir 20 ans. Ouais. Ma femme, elle a 56, donc c'est pas pour être Miss France. Elle est vieille, ta femme. Oui, mais moi, je n'ai pas 20, moi. J'en ai 56. Hein. Mm-hmm. Il y a Miss Tigri qui t'encule. Oh. Je l'ai viré juste quand j'ai entendu ça, Gérard. Alors, lui, c'est terminé. Terminé pour lui. Allez, donc, Mycose. Et justement, je l'ai viré parce que c'est lui qui foutait le bordel tout à l'heure. Ah bah alors, c'est bien. Donc, à la place, on a Clafouti, 19 ans, qui appelle de Brest. Et au jour d'aujourd'hui, 14 heures précises, je viens faire une requête au sieur Périgliani. Et qui appelle de Brest et qui te souhaite une bonne soirée. Au jour d'aujourd'hui. Salut Gérard. Salut. C'est Clafouti. Ouais, alors moi j'ai été hôtesse de présélection des Miss et j'ai été refoulée parce que j'avais une jambe plus courte que l'autre et ça se voyait en maillot de bain. D'accord. Alors je trouve que c'est inadmissible. Ok. Voilà. Kudan. Moi la question va être vite réglée, je n'ai pas de copine. Ok. Foufoune. Moi j'avais une copine, je pouvais pas la blairer. Et je l'ai inscrite au concours de Miss Boudin Noir à la Clusaz l'année dernière pendant les vacances de ski. Et cette conne, elle a gagné. Là. Et ça y est, c'est tout. C'est tout ce que tu as à me dire. Bah oui, ça y est, c'est tout. Gérard. Oui. Sur IRC, il y a Miss Devitou qui te demande est-ce que les Miss, quand elles gagnent le concours, elles gagnent une CB? Non. Non, c'est même plus le thème des débats sur les CB. Hein. Demande à machin Devitou là s'il gagne pas une Dreamcast. Puis tu lui demanderais qu'il réponde correctement aux questions, pas en dehors des débats. Je peux le faire avec Dreamcast. Allô. Gérard, il y a Madame de Fontenay qui dit que vu que ces Miss ne t'excitent pas, elle suppose que t'es homo. Et alors, qu'est-ce que ça peut y foutre? Ah, c'est vrai. Bah alors, GG, quoi? Non, mais attends, qui c'est qui s'amuse à faire des conneries derrière? J'ai coupé les auditeurs, là, Gérard. Donc, troisième question. De nos jours, la beauté de Miss France est-elle importante? Non, elle n'est pas importante. Ouais, bah justement. Samedi soir, on organise. GG? À partir de 17h. Tu fais une partouze à 17h, moi je t'emmerde et tu vas fermer ta gueule maintenant. C'est où? Ouais, c'est 12 rues. Hein. Ouais, oh wow. Wow. Du château. Hein. Château comment? Il est même pas en liquide. Tu me calmes ça là. Déjà, tu me calmes Tony parce que là, il commence à. Ouais, il fout la merde. À me gonfler lui. Plus, Tony. Tony. Non. Tony, tu te calmes. Non, tu les prends. Oh, Tony, il se calme. Autrement, tu dégages, Tony. Moi, je te dis à l'antenne, comme ça, il va flipper. Ouais, quoi? Ben, il va dégager dans moins de 2 minutes, lui, si tu calmes, Tony. Non, mais je sais même pas quand je suis à l'antenne, quand je suis hors antenne. Ouais, pour l'instant, tu vas répondre à la question maintenant. Non, mais répète-la-moi, parce que je sais pas... Non, je répète plus les questions. Alors, attends, je vais te faire une... Attends, je vais la répéter pour toi, Tony. Mégo. Mégo. Ouais, je t'écoute, là. Ben, en fait, c'est vachement important, surtout pour les vicieux qui regardent, hein. Et puis, moi, je m'en fous un peu, quoi, de la beauté des Miss France, là. Voilà. Donc, pour toi, la beauté, c'est pas importante. Bah, c'est important pour les vicieux qui regardent, sinon pour moi, non, c'est pas important, quoi. Ok. Ça y est, j'ai compris la question, je peux répondre? Ouais. Ouais, bah, ouais, c'est très important la beauté, sinon à quoi ça sert de regarder Miss France? Ok. Eh, hey, Gérard? Quoi? Tu sais ce qu'elle fait, Miss France, quand elle... C'est qui? C'est Kudan. Tu sais ce qu'elle fait, Miss France, quand elle voit une peau de banane par terre? Non. Merde, je vais encore me casser la gueule. Ouais, bah alors merde, je vais te dire une chose, que là maintenant tu peux dégager. Bah, c'est pas méchant. Au revoir. C'est pas grave. Mais c'est pas méchant. C'est pas méchant. Putain, mais arrête avec ta merde là, tu me gères un peu ça là. Tu me fais quoi là, de la merde? T'as compris? Tu me vires Kudan. Hop, terminé. Ah. Ouais, c'était sympa la blague. Hop, terminé. Georges. Oui, la beauté, ça sert. Faut pas tenter la France quand même. Même on aurait, sinon on aurait une mauvaise image de la France. Clafoutis. Bonjour. Ouais, moi je trouve que la beauté c'est n'importe quoi, parce que c'est pas parce que j'ai une jambe plus courte que l'autre que en fait j'étais pas belle, quoi. C'est n'importe quoi. En fait j'étais aussi belle que les autres, mais évidemment en maillot de bain ça se voit trop, quoi. C'est ça le problème. Non, mais tu peux préciser? Eh ben, je précise que la beauté c'est pas si important que ça, quoi. On peut avoir une jambe en moins et. Ouais, c'est vrai. Bah ouais. Ouais. Tu es la pièce mise, quoi. Ouais. Eh, Gégé, tu veux pas faire une blague à Sandy et l'inscrire à Miss France? Comment? Tu veux pas faire une blague à Sandy et l'inscrire à Miss France? C'est qui? C'est qui parle? Rodrigo. Bon. J'ai l'impression qu'on va s'arrêter dans moins de 3 minutes. Oh non, Gérard. Tu tournes pas là, c'est bien. Non, franchement, c'est cool, ouais. C'est bien, on s'éclate. Ouais, ouais. Alors, Foufoune. Ouais. Je pense que c'est un minimum, ouais, qu'elle soit jolie au moins, et puis qu'elle sache aligner 2 mots, quoi. Ouais. Mm-hmm. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Ouais, j'ai dit 3 mots, t'as vu? Ouais, 3 mots. Bonjour. Ouais, Gégé, tout à l'heure, il y a une fille qui disait qu'elle avait inscrit sa copine à Miss France. Bonjour. Moi, j'ai inscrit un copain à, tu sais, question pour un champion pour lui faire une blague et ouais. Il a été éliminé au 4 à la suite. C'est pas le thème du débat. Hop, terminé pour Tony. Non, mais attends. Terminé pour toi, c'est fini maintenant. Non, mais t'es pas insulté. C'est terminé. Ok, alors retour dans la danse, espèce d'enculé. Oh, mais ton mec, salaud. Oh là, tu me le vires complètement. Là, moi, un connard comme ça, moi, j'en veux pas. Alors, tu m'envoies la musique, on va calmer tout le monde maintenant. Ok, bah t'annonces les numéros de téléphone et tout ça, s'il te plaît. Alors, donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0803-08-5000, les 0870-5000, et toujours de l'IRCWW.fr, où que Rigo vous attend. Rigo, tu peux nous dire combien qu'on est? Je crois qu'on a dû perdre... 4382, c'est bien, et on s'écoute. 4300, bon, ça va. Donc, on se retrouve tout de suite après. Et voilà, vous venez d'écouter les petits sissons de la bonne avec débat résilé. Et donc, vous êtes toujours sur Fun Radio, donc 2h44 du matin. Ouais. Donc, j'espère qu'on va atteindre, et ça, mon chef il vient de me le demander, j'espère qu'avec Rigo, on va atteindre les 5000 avant 3h du matin. Je pense que ça devait être possible. J'espère. Possible. Si le débat se passe bien et que tu gueules pas trop, ça devrait le faire. Hein, bah, vu que quand le 10 s'est arrêté, on était à 4462-4, ça devrait le faire. Ok. Alors, donc, on récupère Margot. Mégo. Ouais. Excuse-moi. D'accord, je t'excuse. J'ai dit Margot, mais c'est pas grave. Ouais, que c'est pas Margot, non? Bah ouais, pourquoi pas, c'est le nom d'un chien en plus. Ouais, d'accord, ok. Bon. Ok. Ouais, c'est sympa. Ok. Poussin. Bonjour. Oui, donc bonsoir à tous. Bonsoir 24 à tous. Ans de... Bonsoir Mathieu, bonsoir Fildar, bonsoir Max. Salut. Bonsoir mon chien. Bonsoir Poussin Mystère. Ah bonsoir Gérard, excuse-moi, je t'avais oublié. Ah ouais, ben c'est simple. Georges. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Clapouti. Ouais, salut, toujours là. Boule de pu. Ouais, salut GG. Boule de pu. Ouais, je suis là, bonsoir Gérard, bonsoir Sandy Capé, bonsoir tout le monde. Sandy Capé, je vais te dire une chose, que boule de pu, tu vas pas commencer tes conneries, d'accord? C'est pas de problème. Pas de problème. Moi je suis calme. T'es dans le coup aussi, non? Ouais, à fond. Et Foufoune? Ouais, salut Gérard, salut Sandy. Alors. Bah, je vous rassure tout de suite, je m'appelle pas Sandy. Hein. Tu me rassures. Alors, la quatrième question. Donc, non, c'était la troisième. Non, quatre. D'après vous, que mangent les Miss France? Ouais, ça doit être de la bite. Comment? À mon avis, c'est des crudités, hein. Surtout. Attendez. Qui c'est qui vient de répondre là que c'est de la bite? Pas moi. Pas moi. Pas moi non plus. Bon, alors, on va demander un foufoune. Ouais, bah, je sais pas, ils sont élevés au grain, en plein air, dans le foin, quoi. Mm-hmm. Bah, non, mais tu peux préciser. Elles mangent des choses saines, sans bactéries, sans EPO, elles font des picouses et elles font de la gym. Mm-hmm. D'accord. Bah, elles sont bien gaulées, donc il y a du travail, quoi. Elles passent par la chirurgie esthétique, elles mettent des millions là-dedans pour faire Miss France. Hein. Ouais, mais ça c'est pas elle, en fin de compte, c'est pas elle qui paye. Ah non, c'est Madame de Fontenay qui paye. Non, faut bien se dire une chose. Non, c'est le Resto du Cœur qui paye. Ah bon? Non, mais attends, toi t'es pas ton micro. Hein? Donc, faut se dire une chose, que pour être Miss France, déjà, c'est pas Madame de Fontenay comme tu viens de dire. Ouais, c'est les impôts. Donc, ça passe par des concours donc de mode et tout ça. Donc on va demander à Boule de Pu. Gérard, avant sur IRC, oui. Il y a Trizo, Miss Trizo, qui te demande quel est le QRZ de Madame de Fontenay. C'est pas le thème des débats. Pas belle, ouais. Je crois. Pas belle ou vilaine. Non, mais c'est pas du tout le thème des débats. La CB est terminée maintenant, c'est sur les Miss France. Donc on va demander à Clapouti. Bah, je pue de la gueule, moi. Ouais. Qui? Boule de Pu. Ben, tu viens de répondre. Bah non, j'ai pas répondu. Bah alors tu réponds. Ouais, alors je pense que, je sais pas, elle doit vous faire 2-3 Big Mac le midi, un bon sauciflard le soir et un rôti de veau. Mm-hmm. Pour avoir une belle ligne. D'accord. Tu crois qu'en mangeant tout ça, elles auront de là une belle ligne? Bah, je crois que le midi, elles mangent des frites, moi. J'en suis la preuve. Bah attends, parce que t'es belge, toi? Ah non, je sais pas, je dis ça. T'es devenu belge? Et après, chez elle, ça pue l'huile. Ouais, non, mais ça pue l'huile. T'es je crois bien. Ouais, mais t'es devenu belge, toi. Ah, non, non. Ouais, mais t'es comme Pulgar, vous devenez belge, là, tous les deux. Bah alors, toi, qu'est-ce que t'es, Gérard? Clapouti. Ouais, bah moi, je pense qu'elles mangent des asperges en boîte. Ouais. C'est super bon pour la forme. Et qu'elles boivent du lait de chèvre. Parce que ça, c'est super top pour le teint. Mmh. Et puis, en fait, la Fontenay, par contre, elle mange des frites. Hein. Non, mais attends, Clapouti, ouais. On en a rien à foutre de la Fontenay, d'accord? Ouais, mais c'est quand même une miss. Hein. Non, mais on en a rien à foutre. Bon, on en a rien à foutre. On s'en fout, Georges. Non, il faut un régime dragonien, elle mange de la salade, d'ailleurs, sans moins de faire grâce. Mmh. On peut grossir. Qu'est-ce que t'as donné à manger à ta fille, toi, avant qu'elle fasse le concours, Georges? On a été voir un diététicien, il a fait un régime pour les pâles. Sa ligne. Puis c'est tout, on trouve les races. Poussin. Ouais, bah, moi je suis d'accord avec Georges, c'est vrai qu'il mange surtout des salades, tu vois, crudités, concombres, même des bétons. Ok, super. Bon, derrière, vous laissez les gens répondre, s'il vous plaît. Oh! Excuse-moi. Vous laissez les gens répondre, ça vaudra mieux pour tout le monde. Parce qu'il est 2h49, et on n'en est qu'à la quatrième, il y a 11 questions. Oh putain. On dit pas putain. Qu'est-ce que je fais? Alors, donc pour finir, Poussin, si tu pouvais continuer ce que tu me disais. Ouais, donc je te disais, les Miss France, ils ont franchement un régime draconien, parce qu'il faut qu'elles mangent des crudités, des betteraves, concombres, des salades. Donc ils n'ont pas droit à la graisse, ni au sucre, rien du tout. D'accord. Mégot, pardon. Oh, c'est pas cool. Moi, je dis que les Miss France, là, elles mangent rien. elles pensent à rien, elles mangent rien. Et puis je dis quand elles ont vraiment, vraiment faim au bout d'une semaine, elles mangent une courgette. D'accord. Voilà. Question IRC. Oui, une question de Madame de Fontenay, la vraie. Elle te demande pour quelle miss tu aurais voté. Personnellement, moi je voterai pour personne. Oh, donc, t'as regardé ou pas mais... T'as bien un petit avis quand même. Non, non, laquelle mais même... tu préférais. Non, non, mais même vu ce qui s'est passé, ça m'intéresse pas. Mais non, t'avais bien une préférence. Non. Je veux dire, moi j'avais une préférence. Hugo, il avait une préférence. J'aurais. Qu'est-ce qui s'est passé? De toute manière, ça va être la dernière question. Donc, okay. On n'est pas couché. Voilà. Donc, 43% des gens utilisent la Miss France pour découvrir la région de la France, les régions de France, pardon. Ben ouais. 28% des Miss France utilisent seulement les portables pour s'appeler entre elles. Ça, je vois pas du tout le rapport. Ben 71% des Miss France préfèrent être Miss Univers solitaire. Univers solitaire, c'est quoi ça? Ben donc, Gaël. Au-dessus de ta Miss France, ta Miss Monde, ouais. Ta Miss Univers et ouais. Univers Solitaire. C'est le top des Miss. Ouais, ben c'est bien. 23% des gens pensent que la Miss France ne sert à rien sauf pour se masturber. Alors ça c'est vraiment des. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça quand même. Hein. Ouais, ben. Ouais. Si. Combien 23%. Beaucoup, c'est hein. Énorme. Hein. Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Et 32% des gens pensent que l'abonnement au Miss France est trop cher. Il n'y a pas besoin d'abonnement. Voilà. Si. Non. Pas bah si. C'est ça, Rigaud, hein. Je me suis pas trompé dans les sondages. Non, c'est ouais, ça. Ouais, t'as bien joué. Alors, une question que je vais poser à tout le monde, et ça, je peux préciser que sur la question que je pose... Personne n'a été capable de me le donner sur les sondages, et ça c'est bête. Donc, d'après vous, depuis quelle date Miss France existe-t-elle? On va demander à Mégo. Ouais, ben écoute, ça a toujours existé depuis la nuit des temps, parce que au départ, l'élection de Miss France, c'est une légende. C'est une légende, et puis ça s'est perpétué, et puis... pardon? Allô? On t'écoute. Ouais, je disais donc... ça date depuis les... Bon, on me laisse parler, là? C'est possible? Ah, vas-y! Bon, Gérard, c'est boule de pub. Boule de pub, pour l'instant, tu. Manu, Fildar, ouais. Calme-moi, boule de pub, là, pour l'instant, c'est pas son tour. Calme-moi, Fildar. Ouais. Mégo, donc, précise. Ouais, alors, donc, je disais, ça a toujours existé, depuis le début. Au départ, c'était une légende. Et en fait, voilà, comme maintenant ça se concrétise, tout le monde peut voter, tout le monde peut participer, maintenant c'est génial, voilà. D'accord. Ok, Rigaud. Oui, il y a Miss Acétone qui te demande, c'est quand l'élection des Miss Calendrier de Routier? Ça je sais pas. Ça je pourrais pas lui répondre. Qui c'est qui va passer derrière? C'est quoi ça? Ah, c'est le poussin vert mystère là? Un poussin mystère tout court. Ah, poussin vert mystère. Égorge pas mon nom, s'il te plaît. Moi, je fais ce que je veux de toi, d'accord? Bah, alors, pousse un verre mystère. Bah, écoute, moi, ce que je peux te répondre, c'est que ça existe déjà depuis très très longtemps. Ouais. Et que déjà à l'époque de Cro-Magnon, ça existait. À l'époque de qui? À l'époque de Cro-Magnon. C'était qui Cro-Magnon? C'est qui Cro-Magnon, là? C'est qui Cro-Magnon? C'est les hommes préhistoriques. Oh, on se calme derrière, on laisse passer le poussin vert mystère de mes genoux. Faites là. Faites place. Ah, c'est les hommes préhistoriques. Mais c'est un homme préhistorique. Bon, non, c'est à l'époque des hommes préhistoriques, quoi. Il y avait des femmes qui étaient Miss. Ah ouais, mais c'est à l'époque où que Jésus-Christ est allé sur la Lune. Ouais, c'est avant, hein. Ok, super. Hein, poussin? T'as de l'humour ce soir, Gérard. Oh putain. Toi, t'es un mec cool, Gérard. Ah ouais, oh, poussin. Oui. C'est à l'époque où le premier homme est monté sur la Lune. Ouais, c'est super beau. Gérard. Allô poussin, poussin. Oui. Quand tu parles de l'époque préhistorique, c'est l'époque des 100 dinosaures. Oui, voilà, dinosaures, et puis je sais plus quoi, là, les brontosaures, là, les trucs comme ça. Ah, les brontosaures, les... Les brontosaures, les triceratops. Ouais, bon, Georges. Les 100 dinosaures. Ça a commencé. Georges? Oui, ça a commencé en 1956. 66? Non, 56. 56? Oui. Voilà. Je suis pas trop d'accord avec toi. Pourquoi? Ah bon? Non, mais on va laisser tout le monde répondre. Clafoutis? Ouais, moi je pense que c'était en 1789 parce que la première s'appelait Marianne, je crois. Ah ouais, bah d'accord. Alors là, toi, t'es carrément parti sur... C'est vieux, hein. Ouais, mais c'est vachement vieux, en fait. Hein, ah ouais, vache. Oh la vache. Eh, pourquoi que c'était pas l'année de la vache, les Miss France? Mais non, mais tu te rappelles pas, Marianne, avec son chapeau, là, et tout ça. C'est clair, quoi. C'était elle, c'était l'ancêtre de... Déjà de l'autre, la Geneviève et tout, elle avait le chapeau, c'est clair, c'est 1789. Ok, d'accord. Ok. Bah ouais. Boule de pu. Ouais, alors moi je sais pas du tout, je pourrais pas te dire une date exacte, mais je sais que je regarde depuis l'âge de ma naissance. Parce que je kiffe Miss France. Mm-hmm. Elles sont bonnes, quoi. D'accord. Foufoune. Ça existe depuis que Madame de Fontenay a pris un extra, en 1962. Mmh. Et depuis, elle s'en est permise. On dit bref, partir avec Laurent Garnier. Ouais. Elle a mort. À mon avis, je pense que vous vous trompez tous. Ça existe depuis 1965 et il y a eu un reportage. Il y a eu un reportage. N'importe quoi. C'est faux. Tu mens, Gérard. Tu mens comme tu respires. Oh, moi, je t'emmerde. N'importe quoi. Bon, tu me mets tout le monde en air. Ouais. On est en air. En air. Tranquille. Oh, j'en connais un tout à l'heure. Il va se prendre une bobe si je l'attrape lui. Vas-y, ouais, gars. Bon, tu me coupes tout le monde. Voilà. Donc, alors, moi, je peux vous dire une chose, que ça existe depuis 1965. Et ça, c'est vrai, parce qu'il y a eu un reportage qui a été fait samedi sur la Une avec, De Carolis. Non, sur la première, c'est pas avec Emmanuel Chien. Henri Chambon. Ah, avec Henri Chambon. Ouais. Et donc, ça existe depuis 1965 exactement, les élections de Miss France. Moi aussi, Chambon. Regarde, Chambon, Gérard, sans. Hop, suivante question. Sortiriez-vous avec la Miss France en boîte ou autre? Allô? Allô? Attendez, parce qu'il est parti, ça va t'es Olivier, parce qu'il y a une couple de soucis. Olivier, casse-toi. Dégage, Olivier! Allez, reviens, Gigi. Allez, on reprend les auditeurs. Allez, c'est parti. Ok. Alors, on va demander à Foufoune. Ouais, non, moi, j'irai pas avec elle. Mais tu peux expliquer? Parce que je vais dans des boîtes pas très saines et je pense que pendant un an, elle a pas trop le droit de fréquenter ce genre d'endroit, donc non, j'irai pas. Non, bah là, tu te trompes. Ah bon? Moi, c'est tout. Manu, tu arrêtes avec ce remix. Tu arrêtes ou sinon j'arrête là. J'ai rien fait. J'arrête dans 4 minutes les débats. Bah ouais, c'est le but. D'accord. Bon, allez, on y va. Donc, Poufoune, je suis... Il y a Miss Davy Free qui te demande si on peut lire dans les chromosomes d'un embryon si le bébé il sera futur Miss France. Et si c'est un garçon, comment on fait? Non, je pense pas qu'on peut lire là-dedans. Et il te demande combien ça fait en euros. Ouais, ça, j'en sais rien. Boule de pu. Ouais, alors moi, je suis chaud comme la braise pour sortir avec une meuf, une Miss France. Mmh. Elles n'ont pas le droit, pendant l'année où elles sont Miss France, de sortir avec des gars. Des gosses, interdit de rien faire des pots. C'est ça, bah, je crois que c'est ça. Tu te trompes complètement. Non, pas du tout. C'est-à-dire, Tu te trompes parce que... Les nanas qui sont élues ont le droit de sortir et après une fois qu'elles sont élues, je t'explique pas les soirées qu'ils font. Et c'est quoi comme soirée? À poil et tout. Non mais attends. Des trucs cul ou non, avec des menottes et tout. Non après ils sont invités à dans des soirées Moulin Rouge ou autre. Ils vont au Ritz. Ils prennent des Mercedes. Bon, Fildar, tu fermes ta gueule maintenant. Georges. Non, mais moi, je suis avec ma femme, ça me suffit. D'accord. Poussin. Tu es sûr de ça? Comme boule de pute, tu t'écrases. C'est ton petit ans, c'est bon. Donc, Georges. Ouais, non, mais avec ma femme, ça me suffit. Ok. Poussin mystère. Poussin mystère. Putain! Quelle bouffonne celle-là, sérieux. C'est la grosse. Ben, toi la grosse, t'es où la grosse, ça t'a fini à ça. Putain! Mais calme-toi, là-bas, le vieux con, là. Mais non, mais Gérard, reviens! Reviens, Gérard! Attends, l'autre, il arrête pas de me couper les gens! Il a fait son truc, il coupe n'importe qui! T'as l'air de se prendre des claques dans sa gueule encore! Qu'est-ce que t'as fait? C'est navrant. Non! Y'a rien, hein! Mais rien, regarde! Viens voir. Là. C'est-à-dire que là, ils sont tous à l'envers. Bien sûr! Pourquoi qu'elle était là? C'est moi qui viens de le remettre. Ah! Il l'avait mis en air encore! Alors il a pris des claques dans sa gueule! En air, c'est quand t'es à l'antenne. Il l'avait mis en out. Ouais! Il voulait pas qu'elle parle. Ah, c'était comme une d'habitude. Erreur. C'était une erreur. Ouais, ouais, c'est une erreur. Tant que tu vas prendre des claques dans ta gueule. C'est comme un faux numéro, c'est pareil. Alors, Poussin. C'est bon, ça ouais, bah tu m'écoutes, GG, ou pas? Je t'écoute. Fildar a fait un bon premier débat. Ouais, mais là, pour un soir, ouais. Il fait de la merde. Oui, mais comme tu me l'as pas remercié au début, tu remercies pas les gens quand ils font du beau boulot. Pour un soir, au premier débat. Il fait exécrable. Il fait un truc exécrable. Bah ouais, mais il va pas non. Continuer comme ça. Mais d'accord, mais ça s'est bien passé. Ouais, ben alors, dans ce cas-là, qu'il me fasse un deuxième débat. Qui bosse bien pour le moment? Qui bosse bien? Pour l'instant, Rigaud, on est à combien sur l'internet? On a perdu, quand t'as dit que tu te cassais, il y en a plus de 1000 qui sont partis, on est à 3722. Donc, j'espère qu'on va récupérer. Bah, dis-leur de revenir, Manu, dis-leur de revenir. Manu, au premier débat, il a fait du bon boulot au standard. Oh merde, c'est pas vrai! Attends, c'était pas vrai! T'as gueulé dessus! Non. Bah, j'ai la DAT, t'as gueulé dessus. J'ai la DAT. Sur certains auditeurs. Bon, on va reprendre le débat juste pour dire à Rigaud, là, tu peux leur demander de revenir aux 1000. Donc, ouais, tous ceux qui sont partis là sur Minitel, essayez de revenir. Non, Internet, ça s'appelle. Sur l'Internet, pas sur le Minitel, parce qu'il ouais. Fonctionne pas. Non, mais Minitel, Internet, vas-y, parle de l'Internet. Donc, l'Internet, donc, vous pouvez toujours nous joindre au www.frfunradio. Revenez. On va battre le record ce soir, Rigaud, s'il te plaît. Faut qu'on arrive à 5000. Faut, 5000, faut que tu nous en trouves 5000. Et là, il est 3h01. Normalement, je devrais avoir fini le débat. On va chercher. Donc, Poussin. Oui, donc, je te disais, je pense que les... c'est sortir avec les Miss France. Hein. Ouais. Donc, c'est pas sortir avec moi. Hein. Poussin. Moi, personnellement, je pourrais pas sortir avec une Miss France vu que je suis une nana. Mais avec un mec qui fait Miss France, oui, pourquoi pas. Ah bah, t'as déjà vu des mecs... Tu pour les concours de beauté. Qu'est-ce qu'elle est teubée, celle-là? Qu'est-ce que tu fais, Gérard? Non, je suis pas teubée, c'est vrai, attendez. On parle à la télé. Non, on arrête. Qu'est-ce que tu fais, Gérard? Pourquoi tu... Mais non, on arrête pas, là. Hein. Reviens, Gérard. Non, il recommence. Poussin. Non, c'est Manu. Mais non, parce que là, je les coupe, parce que... Poussin. Parce que tu parlais. Oui. T'as été coupé combien de fois? Manu, c'était Manu. Je peux pas te dire parce que j'ai pas fait gaffe. Hein. Ouais. C'est pas la religion, en plus, on parle pas de la religion. Qui c'est qui me reste? Mégo. Ouais, bah moi je suis d'accord avec Poussin Mystère, là. Je trouve qu'elle a bien répondu à la question et moi je suis d'accord avec elle. Voilà. Mais tu peux préciser quand même le fond de ta pensée? Que moi je pourrais pas sortir avec une fille qui est dans l'élection de Miss France, parce que je suis pas intéressée par les filles. Et puis, par contre, un mec qui va dans l'élection de Miss France, ouais, je suis d'accord. Pourquoi pas? D'accord. Voilà, c'est ce qu'elle a dit, non? Ouais. Voilà. De toute manière, il n'y a pas que les boîtes. En fin de compte, qu'on peut inviter une Miss France, tu peux l'inviter au restaurant et autres. Hein. Ouais, mais il faut du pognon, putain. Ouais, mais ça... Tu peux l'inviter faire les boutiques aussi, hein. Ouais. T'as les lèches-vitrines, t'as... Poussin Mystère, hein. Oui, ouais, quand tu fais les boutiques, tu vas où, toi? De quoi? Quand tu fais les boutiques, tu vas où, toi? Moi, je fais généralement dans Paris. Ouais, mais où dans Paris? Il y a une ville, mais je pourrais pas citer, quoi, parce que sinon, ça ferait trop de marques. Ouais, bon, on va peut-être reprendre les débats, Gérard. Tu gères un peu, on y va. Donc, alors, sur la question, donc... Oui, Rigaud, une question avant? Il y en a plein. Il y a Miss Paradox qui te demande, est-ce que tu penses que l'élection de Miss France, c'est pas un racket visant à enrichir France Télécom? Je pense pas. Mais justement, cette question-là, tout le monde l'attend, mais je vais la poser tout de suite, là. Non, parce que... Je l'attends pas. Bon, attends, toi, tu fermes ta gueule et c'est tout. Manu, tu me fais du bon boulot. Bah ouais, je fais que ça, hein. Je fais que ça. Alors, donc, il y a 86% des gens... Bon, allez, hop, conclusion terminée. Moi, j'arrête. Bah non. Gérard, je suis en train d'essayer de récupérer des gens. Regarde, on va battre leur corps. On est remonté au-dessus de 4000. Gérard, on va battre leur corps. Pourquoi laisse Manu, on y va. On continue. Alors, il y a 86% des gens qui ont vu Miss France ont vomi et s'en remettent pas. Donc ça, je veux dire une chose, Gaël, quand tu me sortiras des trucs comme ça, tu me feras signe. 53% des gens rêvent toutes les nuits de se prendre une bonne grosse Miss France. Donc, je sais pas ce qu'elle... Alors là, l'histoire des calendriers, je la pose pas, ça sert à rien. Pourquoi C'est les routiers. 47% des routiers ont des calendriers de Miss France nus dans leur camion, c'est vrai ou pas? Non, c'est faux. Alors toi, tu t'écrases. Tu fais ton boulot et tu t'es. 36% des gens ont tué Miss France pour avoir un chien. Alors là, Gaël, je vais te dire une chose, que là, je termine même plus. Elle t'embrasse quand même. Elle te dit bisous, GG. Allez hop. Sondage terminé. Paru dans Miss France News. T'as oublié de dire que 43% des gens pensent que Miss France est une salope. Et que 1% des gens préfèrent Monsieur France en string que Miss France en short. Ouais, ben, ça y est, le sondage est terminé pour... Ouais, c'est fini. Ouais. Bon, alors, maintenant, on va continuer le débat. Alors, l'élection de Miss France est-elle truquée? Donc, on va demander ça à Mégo. Non, elle n'est pas truquée. Je trouve qu'elle se passe normalement devant un huissier et tout ça. Mm-hmm. Voilà. T'es sûre? Ouais, je suis sûre. Hein. Bah, ouais, parce que. Non, moi je pense que c'est tout à fait légal. Et puis, il n'y en a aucune qui est choisie dès le départ. Et puis, voilà, quoi. Moi je pense que c'est tout à fait légal. D'accord. Voilà. Pousse un mystère? Non, moi je pense qu'au contraire, c'est truqué. Parce que quand tu vois ce qui s'est passé à la télé il y a à peu près 2-3 jours. Ils ont expliqué que normalement c'était la Miss Berry qui devait être élue. À la place de la Miss. Miss Berry à la place de Miss Berry. Berry. Oh, t'as c'est le maire de Paris. Oui, c'est Berry, c'est ça que j'ai dit, Berry. Georges. Oui, bah ça aurait été ma fille, hein, mais il y a d'ailleurs. Ouais. C'est truqué, c'est un scandale, de toute façon. D'accord. Question Minitel, IRC. Non, c'est pas une question, c'est... Attends, parce qu'il faut que je la retrouve. Je sais plus qui c'était qui me disait que c'est truqué, en fait, pour gagner, il faut sucer. Je ne pense pas. Clapouti. Bah, je me demande si faut sucer Geneviève ou quoi. Non, faut sucer Jean-Pierre Foucault. Ah, Foucault. Ouais, d'accord. Ouais, ça. Boule de pu. Ouais, bah moi, je pense que c'est bien truqué, parce que je me souviens, en 1975... Il y a Sam Diplodocus qui a gagné le concours et je voudrais savoir, c'est pas possible. Puis, Fildar, s'il te plaît. Ouais. Tu me vires boule de pu. Mais c'est intéressant ce qu'il dit, Gérard, t'inquiète pas. Foufoune. Ouais, c'est pas truqué. Tu peux expliquer? Parce que Sandy a dit que c'était truqué, donc je veux pas dire comme elle. Alors, moi, je peux te dire une chose. Oui. Bonjour. Bonjour. Gérard, en attendant, il y a Miss Davifort. Sur l'IRC qui dit qu'en tout cas, s'il voit Sandy au Miss France, il considérera que c'est clair que c'est truqué. Mais n'importe quoi. Donc, moi, je peux vous dire une chose, que l'histoire de Miss France... Bon, alors, moi, terminé, Gérard, c'est bon, là. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, Gérard. Eh, Olivier, t'arrêtes un peu tes conneries derrière. Allez, assieds-toi, Gérard, c'est bon, allez. Fais pas le con, toi, non plus. Olivier, il travaille dans le studio à côté, alors c'est lui. Ou alors fais pas le con toi. Salut, c'est pas moi Gérard. Fais pas le con parce que de toute manière c'est terminé, moi je fais la dernière question. Non, on te fatigue pas, Gégé, c'est bon. Non, mais c'est terminé maintenant. Allez hop. Moi je peux vous dire une chose, que ça a été truqué, parce que pour une bonne chose, c'est que la Miss Haïti pleurait avant, la présidente qui a donné un mouchoir pour qu'elle s'essuie les yeux, et normalement c'était Miss Berry qui devait être élue non Miss Haïti. Donc pour moi ça a été truqué. Et ça personne, dans la presse ils en ont parlé, mais maintenant ils écrasent. Pour l'instant ils ont camouflé, ils ont mis fin comme dans un jury, ils ont dit c'est une affaire classée. Donc pour moi c'est de la merde, pour Miss Five. Voilà. Donc conclusion du débat. Non, je suis en train de rattraper des gens là, si tu veux qu'on dépasse les 5000 pour continuer le débat là. On est à 4722, on est beaucoup remonté. Il m'écoute même pas. Si. Non. Bah bravo, Gégé. J'écoute, Rigaud. Non, mais tu m'écoutes pas. On était à 4000. Tu m'écoutes pas. On est à combien? 4722. Ah. Voilà. Bon, ça va, tu m'écoutes, c'est bien. Alors, devrait-on faire une élection de Miss Boudin? On va demander à Mégo. Ouais, moi je suis d'accord avec cette idée-là. Hein. Je pense qu'il n'y a pas que les beautés qui doivent participer à une élection, quoi. Il y a aussi les boudins, hein. Il n'y a pas que des beautés sur Terre. Hein. Mm-hmm. Voilà, quoi. Puis je pense que chacun y trouvera son compte, non? Mm-hmm. Voilà. Ben, je pense. Ouais. Pousse un verre mystère. Ouais, donc moi aussi je pense que pourquoi pas, parce qu'il y a bien aussi des miss pour les personnes âgées, enfin pour les mamies, quoi. Ouais. Il y a des miss mamies, quoi. Mm-hmm. Et il y a des mêmes. Non, mais je dirais plus tard. Ouais. Georges? Ouais, tout le monde doit être égaux. Hein. Ah bah, c'est bien, toi. Bah oui. Donc, on peut élire n'importe qui. Qui a un téléphone pourri, là? Pas n'importe qui. Mais, Gérard? Oui. Là, c'est Poussin. Je voulais te dire que, tu sais, en Amérique, ils font aussi les concours d'élection sur les femmes qui sont un peu fortes. Mm-hmm. Et donc, ça fait les élections de Miss Ronde. D'accord. Ok, pousse un mystère vert. C'est un C, non? Clapouti. Ouais, j'avais une question. Comment on fait pour les maillots de bain, alors? Bah, tu peux préciser? Si on fait l'élection de Miss Boudin, on fait comment pour les maillots de bain, quoi? Bah, tu peux trouver des maillots de bain. Hein. Taille unique. Taille unique. Bah, ouais, c'est taille unique, ça craint. Hein. Non, ouais. Mais de toute manière, tu peux trouver des maillots de bain qui sont assez qui sont faits pour ta taille. Hein. J'ai poil de temps. T'as taillé, non? Faut pas qu'il crasse aussi, hein. Gérard, sur IRC, il y a Miss Pouras qui demande, est-ce que c'est vrai que Miss France est à la beauté ce que Sandy est au saucisson à l'ail? Ah, bah ça peut-être. On verra. On lui demandera. Boule de pu. Ouais. Boule de pu. Tu l'as viré. Ah bah. Ah bah oui, quand même, je suis là. Bah, vu que Fildar m'a pas mal calmé, il m'a bien engueulé au standard. Ouais, il t'a vachement calmé, il est en train de faire le con avec sa caméra. Non, c'est quelqu'un d'autre, je sais pas qui c'est, je connais pas les voix. Ah bah, t'as pas entendu la question, je la répète pas. Ah, s'il te plaît, j'ai pas été méchant pendant le débat. Quand on fait l'élection de Miss Boudin. Voilà, Miss Boudin. Et c'était quoi, répète. Non, mais attends, répète, t'as compris. L'élection de Miss Boudin, c'est ça? Bah, si Sandy participe, y'a pas de problème, ouais. Alors, Sandy, à ton mère, tu dégages pour de bon, pourquoi? C'est terminé. Allez, hop. Hop là. Alors, qui c'est qui nous reste, donc, boule de pu? Tu me reprends quelqu'un d'autre, hein? Oh là là là, Fildar. Quoi? Tu me trouves quelqu'un d'autre? Non, j'ai pas le temps. Ouais, t'as pas le temps, tu vas travailler. Foufoune? Ouais. Pourquoi pas non plus faire élection de Miss Jambe de Bois, Miss Oeil de Verre ou Miss Culotte de Cheval, quoi, c'est ridicule. Mm-hmm. Voilà. D'accord. Gérard? Oui. Y a Miss Eason qui me demande, est-ce qu'une fille qui n'est pas française peut participer à Miss France? Je pense. C'est faux. Pour une fois, il a raison, c'est faux. Ouais, attends. C'est une connerie. Hein. Non, je peux vous dire une chose. Il y a toutes les villes qui participent. Gérard, c'est français, les villes. Gérard, il y a Miss Paradox qui me dit qu'il a vu Sandy à l'élection de Miss Tchernobyl 92. C'est bien, c'est pas mal. Donc, moi, je peux vous dire une chose qu'on pourra faire plus de... Bon, celui qui s'amuse derrière, il arrête! Bon, elle est terminée, conclusion. Hop. Voilà, c'est fini. Conclusion, donc... Attends, on est combien sur Internet? Combien Internet, Rigo? Bah, on a perdu, conclusion, il se casse. Mais non, Rigo, t'es con. Combien sur Internet? Combien? 4722. Aïe. Non, c'est pas grave. Ouais, la semaine prochaine, c'est les vacances, donc ça devrait cartonner. Non, hein. Peut-être donc, que dans la conclusion, ils vont peut-être... Ils vont revenir. Toi, tu t'écrases, si ça se passe bien, tu mon te avis, fais du plomb de nasse, tu t'écrases au standard. Sinon, Gérard... Gérard. Oui, Rigo. Nassim, il donne sa conclusion tout de suite avant de se barrer. Il dit que si Miss France est truqué, il n'y aurait que des Sandy en finale. Donc, c'est pas truqué. Si, ça a été... Ça a été truqué. N'essaye pas de me virer tout le monde au standard avant les conclusions, toi, parce que sinon... Oh, non. Ça commence. Gérard, arrête, ne tape pas dessus. Arrête. Allez. Gueule pas, ils vont pas revenir sur Internet après. Mais go. Ouais, conclusion là donc. Ouais, on arrête là, c'est fini. Bah écoute, moi Gérard, je veux te dire une chose. Pendant le débat, je suis tombée amoureuse de toi. Non, bah c'est bien, mais je suis déjà pris. Mais moi, je suis tombée amoureuse de toi, grave, je vais penser qu'à toi cette nuit là. Eh bah c'est bien, t'as... Non, s'il te plaît, fais quelque chose là. Non, mais moi je peux rien faire pour gentil, toi. Gentil, non, mais quelque chose de gentil seulement. Bah, tu reprends fil d'arrive à... Tu reprends fil d'art, pousse un verre. Ouais, j'ai filé son numéro. Ouais, bah écoute, je pense que c'est... Fil d'art. Allô? Non, en fait, c'est cool. Il y a quelqu'un? Oui, il y a moi, là-bas. Pousse un verre. Et y a pas oui, non, mais je suis là, t'inquiète pas. Hein. Conclusion. Tu m'entends, là? Ouais. Donc, conclusion, bah, ce que j'ai à dire, c'est que c'est un très bon débat, le meilleur que t'aies fait. Et en fin de compte, je pense que je vais m'inscrire à l'élection Miss France. Non, voilà. D'accord. Il faut que je t'en prie le tout pour le tout. Hein. Georges. C'était bien, mais l'année prochaine, ma fille qui va être Miss France. De quoi? Berry, l'année prochaine. Qui? Ma fille. Miss ouais. Ce sera Miss France l'année prochaine. D'accord. Voilà. Clapouti. Ouais, bah moi je pense qu'il faut garder l'émission des Miss France, parce que comme ça on peut bien se marrer à la télé, quoi. Ouais, non mais voilà. Y a des limites. Et Foufoune. Tu me rappelles après. De quoi? Tu sais que je rappelle après? C'est un message personnel. Allô? Je voulais dire que tu ne crevais pas trop le cul, parce que depuis la rentrée, tu fais un débat suivant le reportage qui est passé samedi d'avant sur la Une. Donc je pense que tu pourrais faire preuve d'un peu plus d'imagination et d'un peu plus de culture. Surtout en de bon entendeur, salut. Salut, et bien la prochaine fois on ne t'appellera pas, parce que les débats que je fais sont déjà convenus avec Max, et ça on en avait discuté, donc le débat sur Miss France c'était prévu, exact. Normalement on devait faire la solitude et j'ai annulé, parce qu'on voulait rebondir, Miss France. Parce qu'on, Miss France, ouais, on voulait rebondir sur l'actualité de voilà. Miss France. Miss France. Oh, toi, écrase. Gérard, donc moi je voulais, j'ai une grande nouvelle, on a dépassé les 5000 enfin. Quand j'ai entendu que j'ai demandé de revenir pour la conclusion, ils sont revenus. On est à 5003. Je vais citer quelques conclusions. On va peut-être remercier les 5000. Donc, On va peut-être les citer, on va peut-être donner leur pseudo. Non, okay. Ça fait un peu long. Miss Acétone, Miss Boudin, Miss Davy One, Miss Fouras, Miss ZZ, Miss Olio, Rip, Ara, Beko, Benichou, Bigo Pleu, Hélène Dill. Finger Ritter, oh, Jean-Lucien, c'est bon. Attendez, il m'en reste, j'ai pas fini. Trizo, Webshark, Sweet Boy. Ça y est, c'est bon. Rigo, c'est bon. Ok, une petite conclusion quand même de Miss Turpentine. Elle dit que ton débat, il avait ni queue ni tête comme toi. Bon, bah ça je m'en doute, c'est toutes les semaines que j'entends sinon, ça. Sinon, il y a aussi Yankee, il y a aussi Madame de Fontenay quand même. Miss Berry, Miss. Ça y est, c'est bon. Là vous allez retrouver Rigo. J'ai oublié Beko. Désolé. Merci à tous. Tu pourras saluer les demoiselles auditrices. Il y en a 4 du Havre. 4 personnes du Havre qui sont venues. Et qui sont venues aussi pour toi, pas spécialement que pour moi. Ah si, elles ont entendu. Par contre, il y en a une qui t'a posé à la fin. C'est qui? Cette semaine? Ouais. T'as eu deux lapins en espace d'une semaine. Ouais. Même toi, j'ai plus de batterie. Gérard, j'ai oublié Miss LGM. Ouais, bah ça, va aller. Bon. Conclusion du débat, Gérard, toi de Miss France, qu'est-ce que tu penses de Miss France et de tout ça? Personnellement, j'en pense que c'est, en fin de compte, ça a vraiment été un peu... Et Miss Paradoxe, excuse-moi. Ouais, bah, c'est bien. Donc, pour moi, je pense qu'à mon avis, ça a été un peu truqué. Parce qu'il faut se dire une chose, que ça a bien été précisé dans la presse, même sur Exclusive, ça a bien été dit que comme quoi que la présidente avait bien donné son mouchoir à Miss Tahiti et que normalement ça devait être Miss Berry qui devait être élue. Donc la semaine prochaine, étant donné... C'est le 24 au soir, non seulement nous serons là pour fêter Noël avec vous, pour tous les pauvres paumés qui sont de l'autre côté et qui ne fêtent pas Noël et qui sont malheureux. Donc nous on fêtera pas Noël en famille en ce qui nous concerne et on sera là. Et comme ça tombe un jeudi. Ça tombe un jeudi. Donc Gérard sera là pour ses débats. Ah ouais, mais et normalement... un débat de 3 heures. Attends. Vas-y, dis Gérard. Un débat qui va porter uniquement sur mes copains les routiers. Ouais. Et je veux des routiers à l'antenne et même devant la radio pour Noël, je veux entendre klaxonner. Voilà, donc il y aura un débat de 3 heures avec à peu près 20 questions. On va faire 22 questions. Ouais. On va essayer d'avoir 22 questions. Ouais. Et je vais les travailler pendant... Avec la même équipe quand même. Si... Ouais. On verra. Et ça se calme. Donc, vous allez retrouver, donc pour finir, Rousseau. Donc excuse-moi du temps, tu reprends avec un peu de retard, mais c'est pas grave. Je t'avais dit pas avant 4 heures, donc on n'est pas loin. T'as de la veine. Donc Rousseau pour la nuit sans pipe, 6h, 9h, Barthes, après la suite des émissions. Bien sûr, demain soir, 22h, minuit, Max avec Jean de Neubert. Et bien sûr, si vous voulez des places à la loco, n'hésitez pas, Fildar va vous attendre. Il va vous récupérer. Pour avoir des places à la loco. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne nuit à tous. Des places de ciné aussi, des places de parking, des places de... Ah ben, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Et bien sûr, demain soir, n'hésitez pas. Branchez-vous tous sur Fun. Aucune hésitation possible. Maintenant, vous n'avez plus le droit de vous tromper. Écoutez Fun. Moi, je suis sur Énergie. Ta gueule à quoi? Voilà, toi, tu vas te faire sauter. Toi, tu vas aller dans une poubelle sur Énergie. Voilà. Donc le dernier disque avant de se dire au revoir, c'est... Et le dernier disque, c'est Mets tes doigts dans les fesses avec le beurre, c'est mieux. Avec du beurre, c'est mieux. Et c'est... Tu demandes pas ça? Si?